بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. T'as pas la chaîne de transmission, toi? Non. Non. J'ai juste un abbé Amr Shaibani. T'as même, Inch'Allah. On va juste prendre, au moins, parce que je me rappelle d'une parole de Cheikh, l'imam Al-Wadi'a, rahmahullah ta'ala, il dit un livre, il ne doit pas être dépourvu de sanad. Parce que voilà, il y a un respect par rapport à cet effort-là qu'ont fait les ulama de transmettre le haqq, il y a des sanad. Donc il dit en respect par ce qu'ils ont fait, Inch'Allah, un livre doit pas être au moins, il ne peut pas être dépourvu de sanad. Donc on va évoquer Inch'Allah juste, le sanad. قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك وهو من الثقات قال حدثنا شعبة ابن حجاج أبو البسطام أمير المؤمنين في الحديث الإمام معروف قال الوليد ابن عيزر قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومع بيده لدار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عملي أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن لو استزدته لزادني. فهذا الحديث إلى إيفوك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد. À travers ce hadith-là, il veut nous montrer le statut de la bienfaisance de l'ihsan ila al-walidin, que ça fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'a enjoint Allah Azza wa Jal, l'innas bi-walidin, ça fait partie des meilleures œuvres. C'est pour ça qu'il a évoqué hauna huwa rahimahullah ta'ala, hadal hadith. C'est quintessence de cette ayah-là. Wa wassayna al-insana bi-walidin husna. C'est comme si jamais il était dit pourquoi. Pourquoi Allah Azza wa Jal a enjoint la bienfaisance envers les parents, parce que ça fait partie des meilleures œuvres, comme c'est indiqué dans ce hadith là hadith Abdullah, quand il est évoqué Abdullah, il y a un effet sahaba sans évoquer yani le nom du père, généralement c'est Abdullah ibn Mas'ud. Hawana qala haddathana sahib hadhihi ad-dar, le propriétaire de cette demeure là m'a ramené un hadith. قال وأومأ بيده إلى دار عبد الله وأومأ بمعنى وأشار إلى pointe du doigt la demeure de عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. Et cette personne là qui l'élève de عبد الله بن مسعود a raconté le hadith à son tilmid. À ce moment là il se trouvait devant la demeure de عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Il faut savoir qu'il est mort يعني بالكوفة في العراق. Yani Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ja'alahu amiran hauna, il a nommé en tant comme amir de Koufa, fa ad-dar hauna ad-dar allati kana bil Koufa, fa il a pointé du doigt la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Comme on a pu voir, Abdullah, lorsque c'est évoqué de manière générale, ce qui évolue hauna c'est Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil kunyatuhu Abu Abdurrahman. Ça il fait partie des premières personnes qui a embrassé l'islam. Aslama qadiman bi Makkah. Et ensuite, il a fait la hijra ila al-Habasha wa kadhalika ila al-Madina, fa hajara hijratayn. Il a fait les deux hijra. Wa shahida Badra, Saint Badri. Il fait partie de Ashab Badr, les personnes dont le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il a évoqué que Allah azza wa jalla leur a pardonné tous leurs péchés. Ifhalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Fa ce sont يعني كل من كان من أهل بدر يفون بارتي دو جنة. Toute personne qui fait partie, qui est badri, il fait partie du jannah. Parce que si jamais Allah Azza wa Jalla leur a pardonné leurs péchés, c'est clair et net qu'ils vont entrer au paradis. دخولاً أولياً حتى. يعني بلا حساب ولا عذاب. Parce qu'ils n'ont pas de péché. يعني pour être jugé, il faut que tu aies des hasa, il faut que tu aies des sayyat. أما هؤلاء ils vont pas juger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sayyat. فعبد الله بن مسعود هو من أهل بدر وأهل بدر يفون بارتي دو جنة هم أهل الجنة لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. on en déduit de cela qu'ils font partie des gens du paradis. وَكَذَلَكَ شَهِدَا الْمَشَاهِلْ كُلَّهَا. Il a participé à toutes les expéditions, à toutes les jihadu fi sabilillah. وَكَانَ يُلَقَّبْ يَنِي parmi ses surnoms صَحِبُ النَّعْلَ رَسُولِ اللَّهِ. النَّعْلَ c'est-à-dire la sandale, pour dire qu'il était proche du prophète عليه الصلاة والسلام. وَقَالَ الْعُلَمَا il a été, on lui a donné ce surnom-là parce qu'il s'occupait de chausser le prophète et كَذَلَكَ de le déchausser. C'est pour ça qu'ils ont dit Sahab al-Na'am, parce qu'il s'occupait de chausser le déchausser. Il était au service du prophète. Il le fréquentait beaucoup. Manaqibuhu kathira. Il a des manaqib qui sont kathira. Jiddan. Il a beaucoup de vertus. Al-Nabi sallam, lorsqu'il a embrassé l'islam, il lui a dit Innaka ghulamun mu'allam. Tu es un adolescent qui a de la science. Fa manaqibuhu ithun kathir. Il a beaucoup de vertus, beaucoup de mérites. Hadha as-sahabi al-jalil. Fa qala sa'altu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai questionné le prophète alayhi salatu wa salam concernant les meilleures œuvres. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Quelles sont les œuvres qui sont les plus aimées auprès d'Allah azza wa jall? Ce passage-là nous montre, Bartlofi, qu'il y a l'attachement des Sahabi à savoir les choses qui vont les rapprocher auprès d'Allah et à savoir les choses qui sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils savent que l'a'mal al-saliha, toutes rapprochent auprès d'Allah azza wa jal. Lakin, il y a des a'mal qui rapprochent beaucoup plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit le hadith, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Donc il y a des choses, al-a'mal tatafawat. On prend par rapport à ce hadith-là que les œuvres, elles ont un statut. Elles ont des valeurs différentes. Il y en a qui sont mahbouba auprès d'Allah, il y en a qui sont ahab. Il y en a qui sont aimés, il y en a qui sont beaucoup plus aimés auprès d'Allah et Azza wa Jalla. Fait les œuvres, elles ne sont pas al-haddisawa. Elles ne sont pas au même niveau. Hadith kadhalika ash-shu'ab. Afdaluha kalimatu la ilaha illallah, yani par rapport à l'iman. Le plus haut de l'iman, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas de cela, c'est le fait d'enlever une chose qui va nuire à un musulman, yani dans leur trajet. Enfin, ça nous montre que les œuvres, elles ont des darajas, elles ont des degrés. Elles sont pas à la hadd disawa. Ayyul amali ahabbu ilallah. Pourquoi ils posaient des questions afin d'œuvrer? Hawla sahaba, lorsqu'ils posaient des questions, c'était pour œuvrer. فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنًا. Il posait des questions afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Au contraire de beaucoup de questions qui sont posées à notre époque, qui sont barclofiques, yani dans un but juste de curiosité. Yani, ils ne cherchent pas à travers cela l'amal. فَأَوْلَ الصَّحَابَ كَانُوا إِذَا سَأَلُوا يَسْأَلُونَ لَا عَنِ الْفُضُولِ. Ils ne demandaient pas juste pour savoir, lakin pour œuvrer. Ayyul amali ahabbu ila Allah, afin que je mette en application cela. Et c'est important de connaître les choses qui sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Qala al-ulama, imaginons mesalan que tu es confronté à faire deux œuvres. Si jamais tu as un tamiz, tu peux distinguer celle qui est la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, ou bien distinguer celle qui est obligatoire et celle qui est mustahab, tu vas faire précéder celle qui est mustahab. Tu vas faire procéder celle qui est obligatoire à celle qui est mustahab. Ils ont cité l'exemple de Tam Qissat al-Jurayj, ce rabbin qui adore Allah Azza wa Jal. Et lorsque sa mère l'a appelé, ils ont dit, les ulama, la salat qu'il est en train de prier, c'est une salat qui était mustahab, sur obligatoire. Sa mère l'a appelé, il n'a pas répondu, il a préféré continuer dans la prière. Deuxième jour, elle est venue, il était en prière, quand elle l'a appelé, il n'a pas répondu. Troisième jour, il était en prière, sa mère l'a appelé, il n'a pas répondu. Donc ça seulement que au fait sa mère elle avait vraiment besoin de lui, parce qu'elle est venue trois jours de suite, successives. Et il n'a pas répondu tout le temps dans la prière. Et ça nous montre aussi qu'il n'est pas, il n'a pas cherché à savoir que voulait sa mère. Parce que il aurait pu prier ensuite, partir voir sa mère et demander quel était ton besoin. Donc ça nous montre qu'il est resté chez lui. Et à chaque fois sa mère venait le rendre visite, à demander auprès de lui, il ne répondait pas. Jusqu'à ce qu'elle a fait doa contre lui, que Allah Azza wa Jal yani l'éprouve avec les prostituées. Ma'ruf al-qissa. Fait les ulama, ils ont dit, il a manqué de fiqh. Pourquoi? Parce que la salat, elle est mustahab, elle est surrogatoire. Amma bir al-walidain, c'est wajib. C'est une obligation. Donc, il aurait dû faire précéder l'obligation à la surrogation. Donc, le fait de connaître les choses qui sont les plus aimées auprès d'Allah, ça te permet aussi, lorsque tu es confronté à deux œuvres, une est aimée auprès d'Allah et l'autre est plus aimée, tu fais passer celle qui est plus aimée à celle qui est aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il a posé cette question-là afin de savoir lorsqu'il sera confronté à une situation où il aura deux œuvres, une qui est aimée et l'autre qui est plus aimée, de savoir laquelle il va faire précéder. Ça peut être un wajib. Le fait de prier à Ravana Salah, c'est les prières qui sont obligatoires. Salawat al-Khams. Ala waqtiha. Faqal al-ulama, normalement dans l'arabe tu dis as-salatu fi waqtiha. Normalement tu n'utilises pas ala, tu utilises fi. Le prier, le fait de prier à l'heure. Fi waqtiha. Fait certains des ulama se sont posé la question pourquoi il n'a pas dit as-salatu fi waqtiha et il a dit as-salatu ala waqtiha. Ils ont dit les ulama, An-Nabi Sami l'a voulu évoquer à travers cela un autre sens. As-salatu ala waqtiha, et c'est-à-dire que cette personne-là, la yafutuhu salah. Il loue pas la prière, c'est-à-dire que il est aux aguets. Il est aux aguets, il est mutanabbi. Il fait attention à ce que la prière ne lui échappe pas. As-salatu ala waqtiha et ka'annahu sta'ala alayh. C'est une personne qui est préoccupée par sa prière. Préoccupée par le fait de la prier dans ses heures. Et le murad hauna, ala waqtiha et fi awwal al-waqt. Parce que lorsqu'il a dit ala, c'est-à-dire qu'il est préoccupé de prier. Donc, s'il est préoccupé, l'achat qu'il va la faire dans la première heure. Ma'rouf que la salat a une heure yani, qui est large. Fa'auna ala waqtiha et fi awwal al-waqt. Fait l'insan, lorsqu'il a le. Comme là, masalan, yani, en temps de confinement, ce hadith-là, il s'applique. On se dit pas, bah, au fait, le fait qu'il n'y a pas de jama'a. Donc je peux prier à l'heure que je veux. Non, tu peux prier à l'heure que tu veux. Lakin, ce qui est plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est que tu pries dans les premières heures. Pour les salawats que Allah Azza wa Jalla aime qu'elles soient priées dans les premières heures. Amma mathal salat al-isha, c'est venu dans le hadith innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati. Lorsqu'il a prié fi muntasaf al-layl, au milieu de la nuit. Il a dit, alors que certains étaient endormis, il a dit wallahi salat al-isha, ça c'est son heure. La moitié de la nuit. N'aurait été que c'est une mashaqqa, comment ça s'appelle sur vous, j'aurais prié à l'Isha au milieu de la nuit. Il faut savoir, au milieu de la nuit, c'est pas minuit. Parce que la première heure de la nuit, c'est le maghrib. Dalil al-Zaika, qu'on subhanahu wa ta'ala, summa atimu siyam ila al-layl. Et ensuite jeûner jusqu'à la nuit. Et ma'ruf, la nuit, haruna, c'est quoi? C'est le maghrib. Parce que c'est l'heure où il y a la rupture du jeûne. Enfin, la première heure de la nuit, c'est le maghrib. Et la dernière heure de la nuit, c'est le fajr. Et as-sadiq. Parce qu'il y a deux fajr, as-sadiq ou al-kadib. As-sadiq, celui qui est appelé pour faire la prière de le fajr. Enfin, après, tu prends l'heure qui est entre le maghrib et le fajr, tu le divises en deux, ça c'est nusfullay. Hada huwa nusfullay, c'est pas minuit. Certains pensent que nusfullay c'est minuit. Yani. L'heure française et l'akhiri. Là, nusfullay c'est la moitié du temps qu'il y a entre le maghrib et le fajr. فهذا هو خير الوقت الصلاة على وقتها الفجر سو بروميير زار الظهر سو بروميير زار العصر بروميير زار مغرب بروميير زار اي اما العشاء ان طون دو كونفينمون سي جامي tu peux tu le prie au milieu de la nuit هذا هو الافضل فهنا on a une sunna qu'on peut mettre en pratique. Avant on pouvait pas parce que la plupart des même la majorité des masajid ils prient le isha en première heure. لكن الان on a une Allah Azza wa Jal, il nous enlevait des choses, lakin il nous rajoute aussi des choses. On peut plus prier en commun, lakin on a une sunnah qu'on ne pouvait pas appliquer par rapport au fait que c'était une mashaqqa, le fait de prier al-isha fi nusf al-layl. Fa'alayna la siyama ahlu sunnah. Si ahlu sunnah ils font pas ça, qui va faire ce genre de sunnah là? De prier, si on peut dans nos demeures, comme c'est le cas haruna, de le prier fi nusf al-layl. Hadha huwa waqtuha, na'am. Fa as-salatu ala waqtiha, et parce que cette personne là elle est préoccupée. وكان يقول بعض السلف من إكرام الصلاة il fait partie de tarder ma salat, de donner l'importance à la prière, de se présenter à la prière avant son heure. Pourquoi? Parce que ton cœur sera détaché de la vie d'ici-bas. Amma, il y en a comme c'est le cas, wallahu musta'an, d'un grand nombre d'entre nous, parfois, subhanallah, on sort du travail et on va directement, on arrive au takbir, si on arrive à la première rak'a. Notre cœur, il est encore avec la dunya, on vient juste de quitter le travail. Amma la personne qui vient juste, Bartlofik, avant Al-Adhan, il se pose, il entend l'Adhan. Ala bi dhikrillah, tatma'in al-qulub. La siyama, notamment dans les pays où on n'entend pas l'Adhan. Donc il se pose, là il entend l'adhan, il répète après le mu'adhin, il fait le dua, entre l'adhan et le qama. S'il peut, il prie la sunna qui est entre chaque adhan. Enfin là, son cœur va être apaisé. Son cœur va être avec Allah Azzawajal. Il est plus à même de rentrer dans la prière avec beaucoup plus de khushur que la personne qui vient juste de quitter souk et en takbir. Il est soufflé même, hatta. Fahada yani, ça fait partie kazalika de, ça rentre dans le hadith. As-salatu ala waqtiha, on se préoccupe d'arriver à la prière à l'heure. Et si on peut, même avant l'heure. C'est beaucoup meilleur pour nous, c'est plus à même à ce que nos salats soient, yani, on a le rétribut qu'Allah Azzawajal a mis dans la prière, c'est-à-dire, tanha anil fahsha wal munkar. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. قال ثم أي ensuite j'ai demandé après la salat يعني quel قال ثم بر الوالدين والبر قال العلماء c'est une كلمة جامعة qui englobe le bien tout bien ça rentre dans le bien وعكسه العقوق والعقوق c'est كل إساءة tout mal que tu vas faire toute mauvaise parole que ce soit dans les actes ou bien dans les paroles que tu dises ouf ça fait partie de عقوق الوالدين أي من الكبائر. Que dire de la personne qui insulte, que dire de la personne qui fait ceci et cela. Enfin, albir, c'est toute chose, tout bien que tu vas faire envers tes parents. Et comme on a pu voir, le walidain, ce qui est voulu par là, c'est le père et la mère. Lakin, ça englobe kadalika, nos grands-pères. Et nos grands-mères aussi, kadalika. Parce que ce sont les mères de nos mères. Wa fil hadith, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala wulidali waladun fasammaytuhu bismi abi. Allah Azza wa Jal m'a donné un enfant, cette nuit-là, je l'ai appelé par le nom de mon père. Quel était le nom de cet enfant-là? Ibrahim. Les ulama, ils ont dit, il a évoqué le père. Alors qu'Ibrahim, c'est l'arrière-arrière et l'arrière-grand-père. Donc ils ont dit que le grand-père, c'est un père. Le grand-père, c'est un père. Enfin, ça rentre dans le cas d'Alekash, les grands-parents. Wa hatta qala ba'd al-ulama yadkhulu fi dhalika al-ulama. Yadkhulu fi dhalika al-ulama parce qu'ils ont un rôle de père. C'est pour ça que tu vois certains, ils disent, mathalan, al-walid. Moi, j'ai entendu beaucoup Cheikh Yahya en parlant de Cheikh Mokbel, il disait, Al-Walid, Waliduna. Parce que c'est ton père, il y a un spirituel, on est en religion. Parce que c'est quoi le père? Le père, c'est qui? C'est celui qui t'a éduqué. L'alim t'a éduqué, même peut-être il t'a éduqué d'une éducation qui est meilleure que celle de tes parents. Parce que t'as, yani, allamak al-ilm al-shar'i. Wal-amal al-salih. Fa, certains ulama, ils disent, kazalika, yadkhul fihi al-ulama. Thumma bir al-walidain, kazalika al-ulama. Lakin, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est le père et la mère. وكذلك الخالة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الخالة أم la tante maternelle et كذلك paternelle قال أم c'est une mère elle est comptée comme mère donc les حواشي nos tantes paternelles ou maternelles كذلك يدخل في ils doivent avoir un ihsan ils ont presque le même statut dans l'islam que les pères et les mères قال ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله. Le combat dans le sentier d'Allah et Azza wa Jalla. Et ce qui évolue ici, parce que le djihad il se divise en deux, il y a le djihad al-talab et le djihad al-difa'. Le djihad al-difa' lorsque tu es encerclé, comme c'était un peu le cas d'Ammaj, on n'avait pas le choix, c'est eux qui sont venus nous attaquer, on était encerclés. Ça on appelle le djihad al-difa'. Donc là tu te défends. Ce djihad là il est wajib ala kulli ahad. Il est fard aini. Après tu as le djihad al-talab. Lorsque c'est toi qui combat l'ennemi, c'est toi qui vas au contact de l'ennemi. C'est toi qui vas à la poursuite de l'ennemi. Celui-là, il est kifa'i. Celui-là, il est kifa'i. Et le murad de l'jihad hauna, قال ثم أي أي الجهاد الجهاد الطلب. Ce qui est voulu ici, c'est le jihad al-talab. Pourquoi? Parce que les ulama, ils ont dit, amma jihad al-difa', celui-là, on doit le faire précéder à bir al-walidain. Parce que tu n'as pas besoin de demander l'autorisation à tes parents pour faire ce jihad-là. Lorsque tu es encerclé, tu ne demandes pas, est-ce que je peux faire le jihad? Là, tu te défends, tu fais comme tu peux, tu vois. Amma qala al-ulama jihad al-talab, lorsque la personne veut partir en expédition, il est obligé, et ça c'est une shurut al-jihad, qui ignore hawa al-khawarij ou al-kafara al-fajara, que tu dois demander la permission à tes parents. Tu dois demander la permission à tes parents. Wa hada bil-ijma', ils ont pris le hadith de la personne qui est venue, il a dit qu'il voulait faire le jihad, fa qala ahayyatun ummak, est-ce que ta mère est vivante? Qala na'am, qala fa biha fa jahid. Ton combat, c'est que tu sois bon envers ta mère. Retourne vers ce combat-là. Et ça nous montre que si jamais il aurait demandé la permission, si jamais sa mère lui aurait dit oui, mon fils, j'ai pas besoin de toi, Inch'Allah, rends service à l'islam et pars en expédition, là, il l'aurait accepté. Donc ça nous montre bien que djihad al-talab, il est nécessaire qu'il y ait une autorisation des parents au préalable. Amma jihad al-difa', celui-là, il n'y a pas d'autorisation directement. Il fait sur les, avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, al-marrat hana, summa al-jihad, qala al-ulama ay jihad al-talab. Al-jihad al-talab. Lorsqu'il évoque le jihad au fils de Allah, c'est le jihad al-ma'raka. Wa illa, al-jihad yanqasim al-arba'a. Jihad al-nafs. Le fait de combattre son âme. Inna al-nafs ammaratun bisu'a, t'ordonne le mal. Donc, il faut que tu combats ton âme afin qu'elle ne te fasse pas basculer dans le mal. ثم جهاد الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا ثم جهاد أهل البدع والمنافقين قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافق معروف c'est celui qui dit qu'il est مسلم d'apparence il est مسلم donc on ne peut pas combattre une personne qui d'apparence est مسلم لكن الجهاد هنا est بالبيان on doit les exposer les dévoiler et dévoiler leurs erreurs et le quatrième qui est جهاد الكفار جهاد الكفار. قال حدثني بهن لو استزدته لزادني. Le prophète يعني m'a raconté ce hadith là. Si jamais j'aurais voulu, j'aurais demandé encore. ثم أي. Et après le jihad في سبيل الله. Si j'aurais voulu, j'aurais pu lui dire ثم أي. Que dire يعني qu'est-ce qui vient après. ثم أي. قال ولكن j'ai. Et dans certains riwayat il a dit إشفاقا عليه. Ou plutôt إرعانا عليه. Pour pas l'alourdir. Et ça nous montre que al-mustafti, celui qui pose la question, il doit prendre en considération l'état du alim. S'il voit qu'il est trop fatigué, khalas, il stoppe les questions. Ils ont pris le ulama de ce hadith-là qu'on ne doit pas fatiguer l'alim. Ou il n'est pas en situation de pouvoir te répondre, khalas, il y a un khali hada ba'd. Parce que dans le hadith, il est dit, ir'an alayhi, j'ai préféré ne pas ajouter pour ne pas lui rajouter de la charge. On va rajouter une faïda pour finir. Les ulama, ils ont dit, dans certains des hadiths, مثلا حديث أبي هريرة يعني في البخاري ومسلم أبو هريرة إلى بوز لا كيستيون لا ميم كيستيون إلى دي أي العمل أفضل كال إلى ميغ دي زافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان بالله ورسوله لو في دو كرون الله يون سون بروفيت عليه الصلاة والسلام قال ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم أي قال ثم قال حج مبرور دونك لا لا ريبونس إلى ديفيرونت سارتين زون دي إسكي إن كونتراديكسيون دو سو حديث لا إلى إيفوكي comment s'appelle la salah, Bir al-Walidain, al-Jihad fi sabilillah. Dans notre hadith, hadith Abu Huraira, il est évoqué al-Imanu billah, al-Jihad wal-Hajj. Al-Imam Ibn Rajab, rahmahullahu ta'ala, il a évoqué Bertissar, la réponse en cela, il a dit il n'y a pas de contradiction. Au fait, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en prenant en considération l'état du sa'id, l'état du questionnaire. Parce qu'il y a un nas, il y a un téléphone. On n'a pas tous la même capacité à œuvrer. On n'a pas tous la même foi. On n'a pas tous la même certitude. Donc il a dit, en fonction du sa'il, Al-Nabi Sassam, il a répondu. Et certains ont dit, au fait, il a répondu en fonction du hal, en fonction du tarikh, en fonction du moment où il était. Parce que c'est ma'ruf, l'islam, il n'a pas été révélé, comment ça s'appelle, en un morceau. Lakin, au fur et à mesure du temps. Donc ils ont dit, il a répondu à tel et tel hadith parce que c'était la meilleure œuvre qu'il fallait faire en ce moment-là. Il a répondu à tel et tel hadith parce que c'était la meilleure œuvre qu'il fallait répondre en ce moment-là. Donc il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Et la chaque raïba fi afdal al-ibadat c'est al-tawhid. Ahabu al-amal ila Allah azza wa jalla c'est al-tawhid. La chaque wa la raïba fi ma'am. Alors wa hadithuna inshallah. Nasal Allah azza wa jalla an yafham wa yabi bi ma sami'na. Hayyak Allah ya akhi. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.